Je vais d'abord saluer un camarade qui est actuellement à l'hôpital. Il s'appelle Denis, les Gilets jaunes, qui a été matraqué tout à l'heure par la répression, par la police de Macron, de Philippe, de Castaner. La provocation policière qui a consisté à couper le cortège, comme si on allait se laisser diviser, comme si on allait se laisser démoraliser par ce genre de choses. C'est parce qu'on était de nouveau très très très nombreux dans la rue, et tout ensemble, les grévistes de tous les secteurs, les cheminots, les dockers, les portuaires, les enseignants, les salariés de l'énergie, les gilets jaunes, les gilets roses, les gilets rouges, les gilets verts. Et c'est ça qui leur fait peur, c'est la force qu'on prouve et qu'on a depuis le 5 décembre. Cette force, elle va s'imposer, elle va continuer, on va généraliser la grève, on va mettre le spell partout, on va leur faire peur. Vous nous aurez pas, on va gagner et on prendra la main sur le...